rap, planète rap. Ouais, ouais. Libéré Ali, Tedel, on ressemble la mif. Courbiche, 9 de 400, Dedex, Akos. Libéré petit Jojo. Libéré tous. T'as la bagarre. Libéré tout le monde. T'es son maître, il dit, il va prendre la bagarre. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux que je prenne la bagarre? Quoi faire du mal? Si t'es un mec, t'as la paix. Le maître, il a dit quoi? Mais ouais. Un gris dans un jardin, qu'un jardinier dans un champ de guerre. Je ne sais que faire de tous ces flots, ma petite logue. Si j'en sors un, c'est que j'en ai d'autres, ma petite logue. Ma petite logue. Je suis pas de cette putain de planète comme mille gueules. Il fondra mieux pour dire ce qui est, ma petite logue. Hey, je ne sais que faire de tous ces flots, ma petite logue. Si j'en sors un, c'est que j'en ai d'autres, ma petite logue. Je suis pas de cette putain de planète comme mille gueules. Faut dire ce qui est ma petite lugue. Il faut ma merde, faut dire ce qui est ma petite lugue. Et tu vas rien faire, faut dire ce qui est ma petite lugue. Personne peut-être, je vous le dis direct, ma petite lugue. Personne peut-être, je vous le dis direct, ma petite lugue. Et ça rabarabat tout l'Orient, client qui de manière tranquille, tranquille, sans être gentil, gentil. Ça rabarabat tout l'Orient, client qui de manière tranquille, tranquille, sans être gentil, gentil. La race, la race, ça nous fait grandir, grandir, grandir, d'empire, d'empire, comme un bandit, bandit. La race, la race, ça nous fait grandir, grandir, grandir, d'empire, d'empire, comme un bandit, bandit. Je sais que faire de tous ces flots, ma petite lugue. Si j'en sors un, c'est que j'en ai d'autres, ma petite lugue. J'suis pas de cette putain de planète comme mille gueules. Et tu vas rien faire, faut dire ce qui est, ma petite lugue. Je ne sais que faire de tous ces flots, ma petite lugue. Si j'en sors un, c'est que j'en ai d'autres, ma petite lugue. Je suis pas de cette putain de planète comme mille gueules. Il faut la merde, faut dire ce qui est, ma petite lugue. La concurrence, on la smoke it up, smoke it up, smoke it up, smoke it up. La concurrence, on la smoke it up, smoke it up, smoke it up. Fin de l'aventure, fin de la bonne époque. Bonne époque, bonne époque, bonne époque. À la concurrence, on la smoke it up, smoke it up, smoke it up. Fin de l'aventure, fin de l'aventure du game pour eux. Le crâne débarqué, c'est dead pour eux. Mes critères qui délivrent ne sont pas jaloux. Pourtant, ils ont tous du seum sur eux. La famille, je l'aime et je crève pour eux. Plein fort, chaque célèbre pour eux. Fin de détresse pour le reste. Repeu, c'est la reste, repeu. On a les yeux bridés, y'a ma casse, ça fait comme des garçons quand même ou la tannée. PS18, ils sont sous interdit. Faut que l'industrie, je suis là pour la money. Faut que l'industrie, je suis là pour la money. Faut que le boulet casse, je le trouve apathie. Trouve-moi parmi les meilleurs. Le rock game subit le feu. Je sais que faire de tous ces flots, ma petite lugue. Si j'en sors un, c'est que j'en ai d'autres, ma petite lugue. J'suis pas de cette putain de planète de mille gueules. Tu vas rien faire, faut dire ce qui est, ma petite lugue. Je ne sais que faire de tous ces flots, ma petite lugue. Si j'en sors un, c'est que j'en ai d'autres, ma petite lugue. J'suis pas de cette putain de planète de mille gueules. Il faut la merde, faut dire ce qui est, ma petite lugue. De la merde, vraiment. Ma petite lugue, ma petite lugue, ma petite lugue. Libérez tous les frérots enfermés. Règle numéro 1. Et rappez le ventre vide. N'oubliez pas cette phrase, rappez le ventre vide. Salut, pour rien louper de ce qui se passe dans les studios de Skyrock, va t'abonner à la chaîne. A tout de suite. Planète Rap. Planète Rap.